نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني وإياكم منها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Comme je vous ai dit les soirs, en commençant le discours, il se peut qu'il y ait des frères qui comprennent où je vais en venir dès le départ. Mais c'est pas comme ça qu'il faut comprendre. On va essayer de parler. Je dis tendance pour le moment, mais en réalité ce n'est pas une tendance qu'on entend souvent, qui est rapportée un peu partout. Mais on va développer Inch'Allah pour que ça soit clair dans les esprits de tout le monde. Comme je vous ai dit, le dars qu'on va faire, c'est un dars qui pourrait s'écrire en deux livres. Pas en un livre, mais on pourrait débattre des heures et des heures. J'ai intitulé ce dars السلفية المنهج الرباني. السلفية أو le chemin divin. La première question qu'on peut se poser, c'est se dire si on est salafi ou on ne l'est pas. Là est la question. Il y a des qui ont déjà entendu parler de ce mot-là, السلفي, السلفية, السلفيون, السلفيين, etc., etc. Il y en a qui n'ont pas entendu parler de Salafia. Il y en a qui ont entendu parler comme ça devrait être. Il y en a qui ont entendu parler comme ça ne devrait pas être. Mais Inch'Allah, ce soir, ce qu'on va essayer de faire, c'est un travail de rapprochement pour qu'on ait une idée plus claire sur la Salafia. Allah subhanahu wa ta'ala, fi kitabihi, yaqulu ba'da a'udhu billahi as-sami' al-'alim min ash-shaytan ar-rajim. Shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuhan wal-ladina والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعونهم إليه. سورة شورى verset 13. Allah a dit, il a fait pour vous à partir de la religion une législation comportant les recommandations qu'il a faites à Nuh ainsi que ce que nous t'avons inspiré, c'est-à-dire révélé à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, et ce que nous avons recommandé à Ibrahim, Moussa et Isa, à savoir, pratiquez correctement la religion et ne vous désunissez pas à son sujet. Les associateurs ont jugé trop grand ce à quoi tu as invité. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. سورة البقرة verset 136. Qui veut dire, dites, Nous avons cru à Dieu et à ce qui nous a été descendu, c'est-à-dire le Coran, à ce qui a été descendu à Ibrahim, à Ismaïl, Ishaq et Yaakoub, aux chefs des 12 tribus d'Israël et à leurs descendants, à ceux qu'ont reçu Moussa et Issa et à ceux qu'ont reçu les prophètes de leur Seigneur. Nous ne faisons entre eux aucune discrimination et nous lui sommes entièrement soumis, c'est-à-dire musulmans. ويقول كذلك في آية أخرى من سورة الشورى أيضا في الآية 150 فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم Allah yajma'u baynana wa ilayhi al-masir. Qui veut dire? C'est à cela que tu dois inviter ou appeler. Adopte la voie de la droiture, comme cela t'a été ordonné, et ne suis pas leur passion. Dis, j'ai cru à ce que Dieu a fait descendre comme un livre, et j'ai reçu l'ordre d'être équitable entre vous. Dieu est notre Seigneur et le vôtre. Amenons nos actions à vous les vôtres. Aucun argument ne peut trancher entre nous. Dieu nous regroupera tous et c'est à lui qu'est notre tour. Ce verset nous laisse à se poser certaines questions. Quand j'ai commencé le dar, j'ai parlé de la salafia. On pourrait très bien se dire, qu'est-ce que la salafia? Qu'est-ce que les salafites? Man hum salaf salaf? Qu'est-ce qu'on a reçu comme idée sur la salafia? À savoir salaf, dans le sens étymologique, l'orawiyen, qu'est-ce que le mot salaf veut dire? Shara'an, juridiquement, qu'est-ce qu'il veut dire? Avant de tout de suite discriminer une tendance ou ce nom. Quand on lit certains livres, des journaux, des revues, etc., ou quand on entend à la radio, à la télé, dans les conférences, dans les assemblées. Quand je dis télé ou radio, je pense plutôt aux pays arabes, hein. Pas les pays français, parce que les pays français, on n'en parle pas trop. Mais plutôt dans les pays arabes. On entend beaucoup, beaucoup de choses. Donc nous, on va reprendre le mot dès le départ. L'orawiyen, qu'est-ce que ça veut dire? Dans la langue, l'étymologie de ce mot-là, salaf, c'est un synonyme de qabl. C'est un synonyme de qabl, qui veut dire un synonyme de avant. Salaf, on pourrait l'assimiler à avant. Tout ce qui vient avant. Si on regarde par rapport à nous, mon père, pour moi, c'est un salaf. Il est venu avant moi. Et mon grand-père est encore plus salaf que mon père, parce qu'il est venu avant lui. Donc salaf, c'est tout ce qui vient avant. Par rapport aux contemporains, il y en a qui diront que la salafia ou les salafites, c'est une idée nouvelle. Fikrun Jadid, ça a paru il n'y a pas longtemps. C'est une idée nouvelle. Ceux qui disent que c'est une idée nouvelle, on peut les classer dans plusieurs catégories. Il y a ceux qu'on classera parmi les gens sans science, les gens qui n'ont pas de science. On dira deux. Eux peuvent se permettre de dire ça. Parce qu'ils n'ont pas de science. S'ils avaient recours au livre, s'ils avaient recours à la parole des ulama, ils s'apercevraient que salaf ou salafia ou salafite, c'est pas une idée nouvelle. Ils verront que ça descend de plus loin, ou ça remonte à plus long. On dira aussi que ceux qui disent que c'est une idée nouvelle, on pourra les mettre. C'est un peu méchant ce que je vais dire, mais il faut quand même le dire. On pourra les appeler des détracteurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils sont ici pour déranger ou semer le doute dans la tête des gens, pour causer la fitna. Ils ne savent pas ce que c'est. Pas tout de suite. Ah, moi je ne sais pas. L'ignorance m'a pris. Bon, ben je vais dire du mal. En général, c'est comme ça. L'homme, quand il ne sait pas, il repousse. Il a tendance à repousser. Et non pas à accepter. Alors ces gens-là, quand ils font la fitna, quelqu'un qui est niais, qui ne sait pas, première fois qu'il vient, il entend parler de la salafia, ah, attention, la salafia, mon frère, attention. Alors lui, il va avoir peur, il va dire, ah non, j'accepte pas. Pourtant, il ne sait même pas ce que c'est encore. Il y en a d'autres, qu'est-ce qu'ils diront ces gens-là? Eux, on pourra les classer parmi les gens qui ont quand même une certaine science. Qu'est-ce qu'ils diront? Parce qu'ils s'approchent quand même. Ils diront que ce sont des gens bien déterminés, qui sont venus à une époque bien déterminée, qui a disparu, c'est-à-dire la salafia a disparu, avec la mort de ceci. En parlant des gens qui sont venus, à cette époque bien déterminée. Ils ont fait leur temps, des gens bien déterminés, dans une époque bien déterminée, ces gens sont morts, et la salafia a disparu avec ces gens, avec la mort de ces gens-là. Cela, on dira qu'ils se rapprochent quand même déjà d'une vérité. Mais je ne dirais pas de la vérité, d'une vérité. Il y a des livres d'ailleurs qui ont été écrits sur la salafia, hein, c'est pas nouveau. Je ne citerai pas des noms pour pas qu'on ait... Mais pour ceux qui ont étudié ces livres, il y en a un qui a écrit « As-salafiyyatu marhalatun zamaniyyatun mubarakatun la madhaba islamique » qui veut dire la salafia, une époque bénite, non pas une doctrine ou un chemin islamique. Non pas une doctrine ou un chemin islamique. C'est la traduction du mot madhab. D'accord? D'autres encore, qu'est-ce qu'ils vont dire sur la salafia? Ils vont dire, c'est un mouvement politique. Ah, ces gens-là, ils sont venus avec quelque chose de nouveau, ça doit être de la politique. Mouvement radical, dur. Ah non, on ne peut pas accepter ces choses-là, donc il faut les casser. D'autres encore, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que c'est un mouvement politique, comme on l'a dit, un parti, une tendance, que l'on trouverait plus répandu dans certaines parties du monde musulman. Qui c'est qui est visé ici? On n'a pas besoin de vous le dire, c'est l'Arabie Saoudite. Tac, montrer du doigt, c'est eux les salafs. Comme si les salafs étaient que là-bas. Ou comme si les salafs venaient que de là-bas. La salafia, qui est connue aussi le nom de l'Wahhabiyya. La salafia est connue aussi sous le nom de l'Wahhabiyya ou le Wahhabite. Pourquoi? Car on désigne souvent les salafs comme des disciples de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Il y en a d'autres qui diront encore que l'histoire de la salafia, ah non, l'histoire de la salafia, elle remonte avec Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, 600 ans en arrière. La salafia est arrivée avec Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. 600 ans en arrière. D'autres diront non. La salafia est arrivée avec Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, il y a 200 ans en arrière. D'autres oublieront ces machaires et diront que non, la salafia vient avec le contemporain. Qui je veux dire par là? Cheikh Ben Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Al-Albani et tous les autres qu'on ne peut pas citer ce soir. Donc 50 ans en arrière, la salafia est arrivée avec eux. D'autres encore attribueront la salafia à des gens qui n'ont rien à voir avec la salafia ou très peu. Ou très peu. Par exemple, on prendra le cas de Cheikh Jamaluddin Al-Afghani, rahmahullah, et son élève Cheikh Mohamed Abdou. Eux, ils sont venus, Cheikh Jamaluddin Al-Afghani, il est né en 1838, il est mort en 1887. C'est un Afghan d'origine, comme veut bien le dire son nom, Al-Afghani, origine d'Afghanistan, qui a émigré et qui est parti en Égypte. C'est un professeur de philosophie et c'est un homme politicien. Bon, nous, notre but, c'est pas de faire de la politique, mais c'est bien d'éclaircir un petit peu les esprits. Ces gens-là, ce sont des réformateurs. Ils avaient un but, c'était de renverser le hukm du gouvernement anglais. Et on retrouve leurs écrits dans certains livres, surtout les orientalistes, ils en parlent beaucoup de ces gens-là, ils disent que c'est des grands réformateurs de l'époque, du 19e siècle, etc., etc. On ne va pas s'attarder sur ça, parce que ce n'est pas le plus essentiel, le plus important. Qu'est-ce qu'on peut aussi encore se dire, après avoir entendu ça, pourquoi ces idées erronées sur la salafia circulent-elles? pourquoi ces idées erronées sur la salafie circulent-elles? Y a-t-il une volonté consciente ou inconsciente au sein de la communauté musulmane ou hors communauté de nuire ou de déformer la base initiale ou primordiale de la religion? Question qu'on peut se poser. Hors communauté, Allah nous en parle dans le Coran. Qui sait qu'on vit ici? C'est les juifs et les chrétiens. Allah, il nous met en garde contre eux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde contre eux. Donc, ils sont déjà classés. Les autres, y a-t-il une volonté consciente ou inconsciente au sein de la communauté? Inconsciente, on pourrait dire oui. Consciente, on pourrait dire oui. On va commencer par inconsciente. Parce que chaque tendance au sein de l'islam revendiquera son appartenance au droit chemin. Chaque tendance revendiquera son appartenance au droit chemin. Moi j'ai le droit chemin, j'ai la vérité. Toi t'as pas la vérité parce que t'es pas dans le droit chemin. Et en plus de ça, ça va plus loin. Ça va plus loin. Car cette tendance, une des idées ou un des buts primordiaux de chaque courant islamique est de discréditer l'autre. Et aussi la salafie n'est pas épargnée. La salafie, dans le même sac. On regarde, on a l'exemple. Un petit exemple des associations. Combien a-t-on d'associations en France? Minimum 100. Minimum. Maximum, Allahu a'lam. Elles se font la guerre, ces associations. Elles se font la guerre. Au lieu de s'entraider, se mettre la main dans la main et de travailler ensemble, non. Moi, mon association, elle est mieux que la tienne. Et toi, tu diras la même chose de mon association. Et puis, toutes les associations sont pareilles. Et j'accepterai pas que ton association soit celle qui représente toutes les associations de France, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi sur la salafia? Que ce n'est pas une doctrine nouvelle. Ce que je vais dire là maintenant, il ne faut pas que ce soit dans votre esprit péjoratif. Quand je dis doctrine nouvelle, je fais allusion aux frères musulmans. Mais il ne faut pas que ce soit négatif. Je vais appuyer dessus en disant que les frères musulmans sont venus, ou le parti des frères musulmans a été créé, la tendance des frères musulmans a été créée avec le fondateur Hassan al-Banna, rahimahullah, en 1928. Quand je dis qu'il ne faut pas que ce soit péjoratif, c'est qu'avant la venue de Hassan al-Banna, il n'y avait pas de frères musulmans, du moins le nom, l'association, pour ne pas dire parti, l'association des frères musulmans. Qui c'est que je dise encore? Mais c'est toujours pas péjoratif. C'est pour que ça soit clair dans nos esprits que avant Hassan al-Banna, rahimahullah, il n'y avait pas l'association des frères musulmans. Il n'y avait pas l'association de Jamaa Abdawa et Tablir avant la venue de Cheikh Mohamed Ilyas en 1930. Donc si quelqu'un me dit que la salafia commence avec la venue de ces gens-là, je dirais non. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, mes frères. Ou si quelqu'un vient me dire, oui, mais la salafia, elle est venue avec Jamaa Abdawa Tablir en 1930. Je leur dis, non, mon frère, ça remonte à plus loin. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce que je dis, les frères. Je vise personne en disant ces mots-là pour pas qu'il y ait des ambiguïtés. Qu'est-ce qu'on dira aussi? Les soufis. Les soufis, avec qui? Un exemple, pour pas citer tout le monde. Mustapha Valsant. Mustapha Valsant, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Français converti. Il s'est converti à l'islam il y a une trentaine d'années. Il a créé sa propre tariqa. Et n'accède à sa tariqa que les Français convertis à l'islam. C'est-à-dire que même si toi, avec ton cœur et ta volonté de rentrer dans cette tariqa, tu n'es pas français, tu ne rentres pas. Il l'a intitulé le valsanisme. Il y a aussi celui qu'on appelle le Habashi, ou encore le Habash. avec la venue de Abdallah al-Harari, al-Habashi, vu les origines, l'Éthiopie. Il s'est fait Tourida min baladihi, il s'est fait expulser de son pays et il est allé s'exiler au Liban. Lui aussi, il a créé, ici je dirais même pas association, c'est plutôt une secte qu'il a créée. Et lui, je le classerais dans les gens qui sont là pour nuire ou déformer les bases islamiques. On peut lire certains de leurs écrits dans leurs livres. Qu'est-ce qu'ils disent, par exemple, concernant Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab ? Pas pour prendre sa défense, mais pour voir comment ces gens parlent de ces gens-là. Ils disent, parmi les crimes les plus graves que Abdel Wahhab, même pas Shir, là, si tu n'es pas d'accord avec un Shir, ihtiraman lahu, li sunnihi, li hifdihi, li ilmihi, ou le Shir, par rapport au respect, par rapport à son âge avancé, par rapport à la science qu'il a, par rapport à, peut-être qu'il connaît le Coran par cœur, ihtiraman li kitabillah. Mais de dire, Abdel Wahhab a commis, lui et ceux qui l'ont suivi, il y a l'assassinat des gens lors de la rentrée à Taïf. C'est une ville à l'extérieur de Mecca qui est à 15-20 km de Mecca. D'une tuerie générale, tant qu'ils n'ont épargné ni les vieux ni les jeunes, ils se sont mis à égorger l'enfant, encore nourrisson sur la poitrine de sa mère. L'homme dans la mosquée, en inclinaison ou en prosternation, ils ont ainsi exterminé les musulmans de cette ville. Ils ont pillé les biens et l'argent. Ils ont jeté par terre les exemplaires du Coran, les exemplaires d'Al-Bukhari et Muslim, et le reste des livres de jurisprudence et de hadith dans les rues. Puis, ils ont mis à les piétiner. Ces citations erronées n'ayant aucun fondement de la communauté. C'est tout. Les gens, ils vont entendre ça, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ah, on sait qui en a affaire. Ainsi, pour semer le doute dans l'esprit des gens, il y a une volonté d'assimiler la salafia à un mouvement politique radical et dur, l'Ouahabiyya. Alors, ce qu'on va essayer de faire, nous, après avoir dit tout ce qu'on a entendu, c'est mettre un petit peu d'ordre. On va essayer de voir les sources de la salafia. Peut-être que tout ce que j'ai dit n'était pas clair, donc on va essayer d'un petit peu d'éclaircir tout ça. قد ستر الله آدم عليه السلام على العقيدة السليمة. الله سبحانه وتعالى قد il a créé Adam عليه السلام, il l'a créé dans un état original pur, une عقيدة سليمة, une croyance bonne et pure. وعلمه ما لم يعلم من أمور الدين والدنيا, et il lui a enseigné tout ce qu'il devait savoir concernant sa religion et concernant sa vie. فذي في الدنيا فكان موحدا لله تعالى c'était موحد c'est le fait de réaliser l'unicité de Dieu. On essaiera de traduire موحدا par ce mot-là, réaliser l'unicité de Dieu, bien qu'il y a des termes en arabe qui ne peuvent pas passer en français. التوحيد الخالص معتقدا لله ما يجب له تعالى من التعظيم والطاعة والرجاء والخشية. Et quand on parle de tawhid al-khalis, à quoi on pense? On pense à trois choses. Al-tawhid al-rububiyya, ce qu'on appellera l'unicité de la seigneurialité, c'est le fait de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala en tant que créateur de toutes choses, en tant que roi dans son royaume, wa al-mudabbir yaf'al ma yasha yas'al wa la yas'al. Al-mudabbir, c'est celui qui sait ce qu'il veut. Il pose des questions, mais aucune question ne lui est posée. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu n'as pas fait ça? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait ce qu'il veut dans son royaume. Al-tawhid al-uluhiyya, c'est reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Il s'appellera aussi Tawhid al-Ibadat. C'est reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala uniquement dans l'adoration. As-salatu lillah, as-sawmu lillah, al-hajju lillah, al-hilfu lillah, al-nadru lillah, al-tawafu lillah, al-dhabhu lillah. tout ce qu'on fait, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit le tawaf autour de la Kaaba, que ce soit le fait de jurer, que ce soit le vœu, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième catégorie de tawhid, qui rentre toujours dans le tawhid al-khalis, c'est tawhid al-asma et al-sifat. C'est reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala dans ses qualités et ses attributs. Tawhid al-khalis, l'obéissance. Attar, c'est l'obéissance. Ou al-raja, l'espoir. Ou al-khashya, la crainte. Tout ça rentre dans le tawhid al-khalis. Ou le hadith al-qudusi, et dans un hadith saint, qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith il est long, mais j'ai pris qu'une petite partie, la plus importante de ce soir. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit ? Wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa, et j'ai créé mes serviteurs hunafa à l'état pur. Kulluhum wa innahum atadhum ash-shayatin, je les ai tous créés à l'état pur. Pas que les Arabes, pas que les musulmans, mais tout le monde. Le blanc, le noir, le rouge, etc., etc. Tout le monde a été créé à l'état pur. Mais les shayatines sont tombées sur ces gens. Elle les a éloignés de leur religion. Et leur a rendu illicite ce que je leur ai rendu illicite, ce que je leur ai permis. وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي. Et ces shayatines, ces démons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ordonné aux gens d'associer Allah subhanahu wa ta'ala ou d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala. مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. C'est dont je n'ai aucunement descendu. أخرجه مسلم في صحيحه. C'est un hadith qui a été rapporté dans Muslim. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة. Et le prophète صلى الله عليه وسلم nous dit dans un hadith que tous les nouveau-nés naissent على الفطرة, à l'état pur, original. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فدين إلا يولد. Il n'y a pas un nouveau-né qui naît. Donc, qui est visé en premier? Sidna Adam alayhi salam. Sidna Adam alayhi salam. Mindabi Aula. Qu'est-ce qu'on comprend par ces mots? Que la salafia, comme on a dit au début, le sens étymologique qui veut dire avant, est venu avec Sidna Adam alayhi salam. Quand ça que la salafia est arrivée? Quand Adam alayhi salam est venu. Pourquoi? Parce qu'il a reçu ses enseignements d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fa'aqidatu at-tawhid wal khayri was-salah hiya al-asl alladhi 'alayhi Adam. Et la base sur quoi est Adam alayhi salam? C'est tawhid wal khayr, le bien et le salah. والأجيال الأولى من ذريته فكانوا على التوحيد الخالص. Et les premières nations de sa descendance, ils étaient tous على التوحيد الخالص, التوحيد الناقي, النظيف, السليم. أما الشرك, le shirk, le socialisme, quand ça qu'il est arrivé, donc on dira أما الشرك والضلال, et l'égarement, فإنما هي أمور لم تحدث إلا بعد آدم عليه السلام. Le dalal, l'égarement ou l'association, quand ça qu'il commence? Après Adam alayhi salam, mais pas pendant Adam alayhi salam. Bi azman wa ajyal wa ala tadrij. Et comment ça se fait? C'est pas venu d'un coup. On est dans une assemblée de mouachédin et hop, tout d'un coup on se transforme, on devient des mouchriki. Non, ça s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait mondarijan, génération après génération. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال. ابن عباس كيف كي لديه الى دي كان بين نوح وادم 10 قرون كلهم على شريعه من الحق. ابن عباس dit que entre نوح عليه السلام et Adam il y a 1000 ans. 10 قرون, un قرن c'est 100 ans, donc ça fait 1000 ans. فكلهم على شريعة من الحق. Ils étaient tous en application avec une législation من الحق véridique. فاختلفوا. Ils se sont divisés. Ils se sont désunis. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé? Envoyé les prophètes pour donner la bonne nouvelle et pour les avertir. Comme Allah le dit dans le Coran, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Les gens formaient une seule communauté de Adam alayhi salam jusqu'à Nuh alayhi salam. Après Nuh alayhi salam, les gens commençaient à dévier. استغفر الله. Avant Nuh, les gens ont commencé à dévier. C'est pour ça qu'il y a eu l'envoi de Nuh alayhi salam. كانوا على الحق والهدى أمة واحدة على دين واحد فاختلفوا فيما بعد فكانت بعثة نوح أول رسول. Donc, c'est parce que les gens ont dévié et l'associanisme est rentré en eux que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le premier messager avec un livre. Donc, qu'est-ce qu'on dira? Que la salafia commence avec la venue de Adam, alayhi salam. Et se terminera avec qui? Elle se terminera avec le dernier qui suivra le chemin que les prophètes ont tracé, qui a été parachevé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand est-ce que le chemin de la salafia va se terminer? Avec le dernier qui suivra le chemin des prophètes, dont le chemin a été parachevé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que cette personne-là, elle viendra peut-être après nous, après nous, Allah a'lam. Ce sera le dernier qui suivra ce chemin. Là, la salafie s'arrêtera. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la salafia? On dira que la salafia, c'est une croyance. Aqida. C'est une adoration. On n'adore pas la salafia. Mais de elle découle une adoration. À savoir, comment prier, comment jeûner, comment faire tawaf. Comment jurer, comment faire un pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment faire un vœu. C'est aussi un chemin. C'est un chemin qui a été tracé par les prophètes, ainsi que le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam jami'an. C'est aussi une science pour ceux qui pensent que la salafia n'a pas de base ou n'a pas de dogme. Elle se base sur des écrits. Sur le Coran en particulier, sur le Hadith, sur Aqwal al-Salaf Salah. Et c'est un exemple. Quand on a compris, alors on a compris que la salafia c'est l'exemple que l'on doit suivre et qu'on doit donner. Maintenant on va parler et on va dire qui sont les salafs aujourd'hui. Qui sont les salafs? Donc on va prendre maintenant le sens shar'an. Juridiquement, les salafs, ce sont les sahaba radiallahu anhum, les tabi'in et les tabi'in. Ce sont les trois générations exemplaires. Où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, khayrun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. La meilleure génération, c'est ma génération, puis ceux qui ont suivi ma génération, et ceux qui ont suivi la génération de la génération qui m'a suivi. Ibn Sirin, c'était un tabi'i. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, لم يكونوا يسألون عن الإسناد الصحابة تابعين. Ne demandez pas à l'Isnad. L'Isnad, c'est quoi? C'est l'échelle de narration. L'échelle de narration. Pour ceux qui utilisent le hadith, il est rapporté. On ne trouve pas un hadith qu'a la Rasulullah s.a.w. de point et on lit le texte. Al-Sanad, c'est l'échelle de narration. Pour ceux qui ont étudié le hadith, c'est ce qu'on appelle aussi Al-An-Ana. An-Fulan. Qu'est-ce qu'Ibn Sirin a dit? Ibn Sirin, il est connu, il a l'interprétation des rêves. Il a dit qu'à cette époque-là, les gens ne demandaient pas des chefs de narration. فَلَمَّا وَقَعَتَ الْفِتْنَةُ Quand il y a eu la fitna, on reviendra sur le mot fitna, قَالُوا Qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire les gens ? سُمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ Quand il y a eu la fitna, qu'est-ce que les gens ont commencé à dire ? Donnez-nous le nom des hommes qui ont rapporté le hadith. Donc c'est la salafia, une science claire et précise. Et non pas des bases ou des données à droite à gauche. Ils s'appuient sur le Coran et des hadiths sûrs, authentiques. Donc qu'est-ce qu'ils disaient ? سُمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيَنْدُرُوا إِلَى أَهْلِ السُنَّةِ Alors ils regardent إِلَى أَهْلِ السُنَّةِ les gens qui rapportent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mettent en pratique la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vivent avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prêchent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَيُؤْخَذُوا حَدِيثُهُمْ Alors le hadith est accepté. وَيَنْدُرُوا إِلَى أَهْلِ الْبِدَعِ فَلَا يُؤْخَذُوا حَدِيثُهُمْ Et ils regardent les innovateurs. Si ces gens ont innové quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait, n'a pas dit, n'a pas permis ou n'a pas interdit, ils ne prenaient pas le hadith. Quand je dis le fitna, ma waqa'a bayna Ali wa Muawiyah, la fitna qu'il y a eu entre Ali radiallahu anhu et Muawiyah, ça a causé une fitna à cette époque-là. Fadaharat, alors qui c'est qui est apparu ? Al-Khawarij. Al-Khawarij, les Kharijites, sont apparus au grand jour. Bien que les textes disent que la première fitna qui est apparue parmi les Khawarij, c'est le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu partager un butin, ghanima, qu'ils ont eu lors d'une guerre sainte. Et un des têtes des Khawarij a dit « U'adil ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam »« Sois juste au prophète » Alors que notre exemple c'est le prophète. Le plus juste des plus justes, c'est Dunya, c'est l'Arm et l'Bassar. Le plus droit des droits. Donc la première firqa qui est apparue, c'est le Khawarij. Thumma ba'da dhalika al-Shi'a, les Shi'a les ont suivis. Et après il y a eu le Qadariya, ceux qui croient en la prédestination. Et il y en a tant d'autres comme ça qui ont suivi. Ils ont commencé à dévier. Abu Bakr Muhammad ibn Sirin, c'est qui ? Donc on a dit que c'est un tabiri. Adraka nahwa 30 sahabiyan. Il a eu l'occasion de voir ou de vivre avec 30 sahabis. Un sahabi, elle a dit sahab al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le sahabi c'est qui ? C'est celui qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a vu, qui l'a entendu. Abu Bakr ibn Sirin, il a eu l'occasion de vivre avec 30 de ces sahabis. Wulida fi awakhir khilafat Omar. Quand est-ce qu'il est né ? Il est né à la fin du califat de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Et on peut retrouver sa vie, si quelqu'un est intéressé, fi Kutub al-Jarh wa al-Ta'dil. Ou bien dans un autre livre qui est un peu plus connu, c'est Siyar A'lam al-Nubala. Pour ceux qui veulent retrouver la vie de ses compagnons, Tabi'in, Tabi'at Tabi'in, et tous les hommes qui ont rapporté le hadith. الله سبحانه وتعالى يوصي في سورة يوسف قل بمعنى يا رسول الله قل لهم ديلور هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني وسبحان الله وما أنا من المشركين سورة يوسف verset 108 dit telle est ma voix j'appelle à Dieu en toute conviction conviction ici بصيرة بالعلم على بصيرة avec علم avec science انا moi on me tabani et tous ceux qui me suivent donc qu'est-ce qu'on comprend de ce verset là que le travail qui est fait par les sahaba tabi'in tabi'in et tous ceux qui les ont suivis les ulama les qudama les anciens ou bien les mutaqaddimin les contemporains ne font que suivre le chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à parachever par rapport au chemin des prophètes qui ont succédé avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il dit dans un hadith aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Il dit « Ousikum bi taqwallah azza wa jal »« Wassam'a wa ta'ata wa in ta'ammara alaykum abdul habashi »« Fa innahu man ya'ishu minkum »« سيرى اختلافا كثيرا. ما هو المخرج؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار، رواه النسائي والترمذي. دونك البروفيت صلى الله عليه وسلم أوصانا بتقوى الله، il nous recommande la crainte, la piété, l'obéissance. Sama wa ta'a, d'abord, dirons-nous l'ouïe, mais disons qu'il faut savoir écouter pour pouvoir obéir. Donc, sama wa ta'a. Wa in ta'ammara alaykum abdun habashi, même si un esclave noir devient votre amir, il n'y a pas de différence entre le blanc et le noir. La sarqa bayna ajamiyin wa arabiyin wa la aswadin wa abiyad. Illa bit taqwa. La seule différence, c'est la piété, la crainte. Ceux qui vivront après moi verront qu'il y aura des divisions. Alors quel est le retour? Quel est le makhraj? Qu'est-ce que devons-nous faire, ya Rasulallah? Qu'est-ce qu'on doit faire? Sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba répondent indirectement quand on regarde le sharh du hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répond: Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyin tamassaku. Donc, cramponnez-vous fortement à ma sunna et à la sunna des khulafa'i ar-rashidin. On a dit les sahaba, les tabi'in et tabi'in, tamassaku biha. Cramponnez-vous fortement. Wa'addu 'alayha bin-nawajid. Nawajid, c'est quoi? Les incisives. Cramponnez-vous. C'est une image qui veut dire qu'à l'époque où nous allons vivre, ceux qui vivront donc à cette époque qui est dit par le prophète, il va y avoir une grande fitna. Et chacun va essayer de trouver une sortie, une issue de secours. La seule issue de secours, c'est le retour aux sources. Al-Qur'an et la Sunna. Au Coran et à la Sunna. Mais tout le monde dira ça. Tout le monde dira, oui mais moi je prends le Coran, je prends la Sunna. Oui mais mon frère, tu prends le Coran et la Sunna. Avec quelle compréhension? Ala fahmika anta? Avec ta compréhension? La. Alayka an tarji'a ila fahmi as-salaf as-salih wa hum as-sahaba wa at-tabi'in wa at-tabi' tabi'in. Il faut retourner au Coran et à la Sunna comme les pieux prédécesseurs l'ont compris, le Coran et la Sunna, car eux ils étaient plus proches du prophète que nous. Comme eux l'ont compris. Le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'autres hadiths qu'on peut toujours citer aussi comme exemple. Qala ala wa inna min qablin ahl. Et Black